Nous sommes aujourd'hui à la Galerie des Champs, où a lieu en ce moment une exposition magnifique, Peintres et paysages du Canada. Dans cette exposition, la beauté des saisons, très contrastée au Canada, est évidente. Petite interview avec l'artiste peintre Gaël Bertrand. Gaël Bertrand, quelle est votre saison préférée ? L'automne. Et pourquoi aimez-vous cette saison ? Parce que je suis peintre et que je vis au Canada. L'automne est extraordinaire dans ce pays. Toutes ces feuilles jaunes, oranges, rouges, c'est magnifique. Et puis, la lumière est superbe. Elle est dorée à cette période de l'année. Alors, justement, en relation avec cette saison, avez-vous un tableau préféré ? Ah oui, j'adore ce tableau de Thompson, qui est sur l'affiche. Et l'automne vous évoque une odeur particulière ? Oui, bien sûr. Le feu de bois dans la cheminée, quand j'ai très froid après une promenade, j'adore sentir cette odeur. Un bruit ? Le bruit du vent qui souffle très fort. Une émotion ? La joie de voir la première neige chaque année. Une sensation ? Le froid aux mains. Une chose à boire ou à manger ? Un bon chocolat chaud. Un animal ? L'écureuil ? Il y a plein d'écureuils dans les parcs. Une image ? Oui. C'est la fin de l'automne. Il fait très beau et très froid. Mes enfants font leur premier bonhomme de neige dans le jardin. Ils rient, ils sont heureux. Gaël Bertrand, je vous remercie.